Section 19 de Les Natchez par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Deuxième partie, suite. Or, des héros allaient publiant l'ouverture des grands jeux et la durée de ces jeux, qui devaient être de 12 jours. Tout était en mouvement parmi les Natchez et dans la colonie. Car les Français, avides de plaisir, même dans les bois, se promettaient d'assister à une fête pour eux si funeste. Le commandant, invité, regardant désormais les Natchez comme les sujets du roi de France, accordait toute sa protection à cette pompe nationale. Il avait reçu plusieurs fois des avis salutaires, mais Febriano et les autres créatures d'Hondouré maintenaient Shepard dans son aveuglement. La fête même contribuait à le rassurer. Des gens qui conspirent, disait-il, ne jouent pas à la balle et aux osselets. Il y a un bon sens vulgaire qui perd les hommes communs. De toutes parts, des groupes, joyeusement assemblés, riaient, chantaient et dansaient en attendant l'ouverture des jeux. Les Chickasaws, les Yazoos, les Miami, tous les peuples entrés dans la conspiration arrivaient au grand village. Là était campée une famille dont les femmes, encore chargées de bagages, déposaient à terre leurs fardeaux ou suspendaient aux arbres le berceau de leurs enfants. Ici, des Indiens allumaient le feu de leur camp et préparaient leur repas. Plus loin, des voyageurs lavaient leurs pieds dans un ruisseau ou se délassaient, étendus sur l'herbe. Au détour d'un bois, paraissait une tribu qui s'avançait, couverte de poussière, dans l'ordre de marche. Les oiseaux s'envolaient, les chevreuils s'enfuyaient ou s'arrêtaient curieusement sur les collines à regarder ce rassemblement d'hommes. Les colons, quittant leurs habitations, venaient jouir des préparatifs des jeux. Ils ignoraient quelle couronne était promise aux vainqueurs. La gerbe de roseau avait été déposée dans le temple d'Atahensic, sous l'autel de ce génie des vengeances. Un jongleur veillait à sa garde. Le premier roseau devait être retiré par 3 sorcières dans la nuit qui suivrait l'ouverture des jeux. Partout où des colonies européennes étaient établies, même chose devait s'accomplir. Un rayon d'espoir se glissait au fond du cœur de Tchelouta. René n'arrivait pas. Encore 14 jours d'absence, il échappait à sa destinée. Quelque accident l'aurait-il retenu, ou Tougamiz l'aurait-il rencontré, car Tchelouta ne doutait point que son frère, qu'on avait vu passer dans les bois, n'eût volé au-devant de son ami. Se laissant aller un moment à ses rêves de bonheur qui nous poursuivent jusqu'au sein de l'infortune, l'Indienne oubliait et les périls de chaque heure et les torts que pouvait avoir René. Elle s'élevait en pensée au séjour des anges, tandis qu'elle était attachée à la terre, semblable au palmier qui réjouit sa tête dans la rosée du ciel, mais dont le pied s'enfonce dans un sable aride. Les espérances de Tchelouta auraient été des craintes pour Hondouré s'il n'avait su que le frère d'Amélie revenait après avoir échoué dans ses négociations, ce qui rendait l'auteur de la guerre avec les Illinois plus suspect que jamais aux Natchez. Hondouré savait encore qu'Outougamiz n'avait point rencontré René. Les Alouez, envoyés sur les traces du jeune sauvage, ne laissaient rien ignorer au tuteur du soleil. Le bruit du prochain retour de René se répandit bientôt au grand village, et, en dissipant la dernière illusion de Tchelouta, acheva d'accabler cette femme déjà trop malheureuse. Le jour de l'ouverture des jeux était enfin arrivé. À quelque distance du grand village s'étendait une vallée, tout environnée de bois, qui croissait en amphithéâtre sur les collines, et qui formait les entours de cette belle salle, bâtie des mains de la nature. Là devaient se célébrer les jeux, le jeu de la balle et ensuite celui des osselets. La fête commença au lever du soleil. Le grand prêtre s'avançait à la tête des joueurs, il tenait en main une crosse peinte en bleu, ornée de banderoles, de joncs et de queues d'oiseaux. Des jongleurs, couronnés de lierre, suivaient le grand prêtre. Venait ensuite Hondouré, conduisant son pupille, le jeune soleil, âgé de 8 ans. La femme chef, le front pâle, accompagnait son fils. Derrière elle, rangés 2 à 2, paraissaient les vieillards des Chickasaws, des Yazoos et des autres alliés. Une bande nombreuse de musiciens avec des conques, des fifres et des tambourins escortaient les sachems. Les jeunes guerriers, demi-nus et armés de raquettes, se pressaient pêle-mêle sur les pas de leur père. Une foule immense, composée d'enfants, de femmes, de colons, de soldats, de nègres, remplissait les bois de l'amphithéâtre. Shepard lui-même était là, entouré de ses officiers. Toutes les cabanes étaient désertes. La douleur seule était restée au foyer de René. Les joueurs, descendus dans l'arène, le grand prêtre frappe des mains et l'hymne des jeux est entonné en chœur. La première acclamation de 5 ou 6 peuples réunis fut étonnante. Tchelouta l'entendit sous son toit abandonné. C'était la voix de la mort appelant le frère d'Amélie. Cœur général, est-ce l'aile de l'oiseau qui fend l'air? Est-ce la flèche qui siffle à mon oreille? Non, c'est la balle qui fuit devant la raquette. Oh, mon œil, sois attentif à la balle ou je t'arracherai. Que dirait la raquette si elle restait veuve de la balle qu'elle aime? Les jeunes guerriers, empruntons les pieds du chevreuil pour marier la raquette à la balle. Un prêtre. Les femmes étaient nées d'abord sans la moitié de leur grâce. Un jour, le génie de l'amour jouait à la balle dans les bois du ciel. La balle va frapper à la poitrine la plus jeune des épouses du génie. Brisée par le coup, le globe se transforme en un double sein dont la bouche d'un nouveau-né fit éclore le dernier charme. Un guerrier. La balle est un jeu noble et viril, mais qui pourrait chanter les osselets? C'est aux osselets que l'on gagne les richesses. C'est aux osselets qu'on obtient une tendre épouse. Les sachems. C'est aux osselets qu'on perd la raison. C'est aux osselets qu'on vend sa liberté. Les jongleurs. Deux parts ont été faites de nos destinées. L'une bonne, l'autre mauvaise. Le grand esprit mit la première dans un osselet blanc, la seconde dans un osselet noir. Chaque homme, en naissant, avant qu'il ait les yeux ouverts, prend son osselet dans la main du grand esprit. Les sachems. Qu'importe que l'osselet de notre destinée soit noir ou blanc. Nous jouons dans la vie, assis sur une tombe. À peine avons-nous tiré notre osselet heureux ou fatal, la mort, qui marque la partie, nous le redemande. Les joueurs se séparent en deux bandes. Les Natchez d'un côté, les Chicassos de l'autre. À un signal donné, le plus adroit des guerriers Natchez, placé à son poteau, frappe d'un coup de raquette la balle qui fuit, comme le plomb sort du tube enflammé des chasseurs. Un Chicassos la reçoit et la renvoie avec la même rapidité. Elle est repoussée vers les Chicassos qui la reprennent de nouveau. Un mouvement général commence, la balle est chassée et rechassée. Tantôt elle vole horizontalement et vous verriez les joueurs se baisser tour à tour comme des épis sous le passage d'une brise. Tantôt elle est lancée au ciel à perte de vue. Tous les yeux sont levés pour la découvrir dans les airs, toutes les mains tendues pour la recevoir dans sa chute. Soudain, des guerriers se jettent à l'écart, se groupent, s'entremêlent, se déploient, se rassemblent encore. La balle saute à petits bonds sur leur raquette jusqu'au moment où un bras vigoureux, la dégageant du conflit, la reporte au centre de l'arène. Les cris d'espérance ou de crainte, les applaudissements et les risées, le bruit de la course, le sifflement de la balle, les coups de raquette, la voix des marqueurs, les ronflements de la conque font retentir les bois. Au milieu de ce bruit et de ce mouvement, les âmes étaient diversement occupées. Les Français jouissaient en pleine confiance de ce spectacle, tandis que les conjurés comptaient leurs victimes. Il n'y avait rien de plus affreux que ces plaisirs qui couvraient le massacre de toute une colonie. Que d'hommes ont pris pour un jour de fête celui qui devait leur apporter la mort. Les jeux furent suspendus pour le festin, servis à l'ombre d'une futaie d'érable au bord d'un courant d'eau. Ils recommencèrent ensuite, on ne savait de quel côté se déciderait la victoire, dont le prix était réglé à 1000 peaux de bêtes sauvages. Tout à coup, le spectacle est interrompu. Les sachems se lèvent, la foule se porte vers la colline du nord, on entend répéter ces mots « Voici notre père, voici Chactas. Hélas, il est mourant. Outougamiz vient d'annoncer son arrivée. » En effet, Outougamiz, qui n'avait pas rejoint René, avait rencontré le sachem que portait une troupe de jeunes Cherokois. La réputation de Chactas était telle que le commandant français lui-même suivit la multitude pour aller au-devant du vieillard. La foule poussait des cris d'amour sur le passage de l'homme vénérable. Mais les yeux étaient remplis de larmes, car on voyait que Chactas n'avait plus que quelques heures à vivre. Son visage, toujours serein, annonçait l'extrême fatigue et la décrépitude. Sa voix était si faible qu'on avait de la peine à l'entendre. Cependant, le sachem répondait avec sa bonté et son calme ordinaire à ceux qui lui adressaient la parole. Un jeune guerrier, remarquant que les cheveux argentés du vieillard avaient encore blanchi, « C'est vrai, mon enfant, dit Chactas, j'ai pris ma parure d'hiver, et je vais m'enfermer dans la caverne. » Un sachem du parti d'Ondouré lui parlait des jeux et de la paix de la patrie. Il répondit, « L'eau est paisible au-dessus de la cataracte, elle n'est troublée qu'au-dessous. » Outougamiz, qui marchait auprès du lit de feuillage sur lequel les Chéroquois portaient Chactas, passait d'un profond abattement à une incompréhensible joie. « Ah ! Disait-il tout haut, c'est ainsi que j'ai vu porter René quand je l'aimais, et que je ne le voulais pas tuer avant que Mila m'eût quitté pour toujours. » Ces deux noms frappèrent l'oreille de Chactas. « Mon excellent Outougamiz, lui dit-il, tu parles de René et de Mila, et Tchelouta, où est-elle? Où sont mes chers enfants pour que je les embrasse avant de mourir? » « Chêne protecteur, s'écria Outougamiz, nous allons tous nous mettre à l'abri sous ton ombre, excepté Mila, qui s'est fait une couche au fond des eaux. » « Héroïque et bon jeune homme, dit Chactas, je crains que le chêne ne soit tombé avant qu'il t'ait pu garantir de l'orage. » Chactas demanda où était Adario. On lui dit qu'il habitait les forêts. Ondouré, à ce triomphe de la vertu, éprouvait de mortelles inquiétudes. L'arrivée inattendue et la prolongation de la vie de Chactas semblait déranger les projets du conspirateur. Il craignait que le sachem ne découvrît ses trames, et qu'un entretien secret d'un moment avec Tchelouta et Outougamiz ne détruisît l'œuvre de deux années. Désirant séparer le plus tôt possible Outougamiz de Chactas, Ondouré eut l'imprudence de s'avancer jusqu'à la couche du vieillard, pour le supplier de se livrer au repos. Chactas, le reconnaissant à la voix, lui dit « Oh, le plus faux des hommes !» Tu n'as donc pas encore appris à rougir ? Courage, Chactas, s'écria Outougamiz. Tu parles tout comme Mila. » Ondouré, balbutiant, avait perdu son effronterie accoutumée. Mes enfants, dit Chactas, élevant la voix et s'adressant à la foule qu'il entendait autour de lui, mais qu'il ne voyait pas. Voilà un des plus dangereux scélérats que la terre ait produit. C'est notre faiblesse qui fait sa tyrannie. Il y a longtemps que j'ai deviné les secrets de ce traître. Ces paroles violentes, dans la bouche d'un vieillard si modéré et si sage, produisirent un effet extraordinaire. Ondouré se crut perdu. Outougamiz encourageait le tumulte. « Allez chercher Tchelouta, s'écriait-il. Voici que tout est arrangé. René est sauvé. Je ne le tuerai pas. Quel dommage que Mila soit morte !» Quelques sachems, restés fidèles à Chactas, racontaient qu'Ondouré était vraisemblablement le meurtrier du vieux soleil. Qu'il avait séduit la femme chef, qu'il s'était emparé de l'autorité par violence, qu'il méditait dans ce moment même d'autres forfaits. Les sauvages étrangers paraissaient troublés. Le commandant français commençait à s'étonner de ce mot de complot redit de toutes parts. La destinée d'Ondouré ne semblait plus tenir qu'à un fil. Lorsque les prêtres et les sachems du parti du traître répétèrent l'histoire du maléfice jeté par un magicien de la chair blanche sur Outougamiz et sur le vénérable Chactas. Les absurdités religieuses employées précédemment dans des occasions pareilles eurent leur succès accoutumé. La foule superstitieuse les crut de préférence à la vérité. Chactas fut porté à sa cabane. Shepar retourna au fort, toujours disposé par Febriano à se confier à Ondouré et à soupçonner le frère d'Amélie. Le soleil étant couché, les sauvages remirent au lendemain la continuation des jeux. Mais l'orage, conjuré pour un moment, menaçait d'éclater de nouveau. Chactas, à peine déposé dans sa cabane, avait demandé la convocation d'un conseil, désirant s'entretenir avec les sachems avant d'expirer. Il était impossible aux conjurés de se refuser aux derniers vœux de l'illustre vieillard sans se rendre suspects et odieux à la nation. Ondouré s'empressa de chercher Adario et de lui parler de Chactas, dont la tête, disait-il, était affaiblie par les approches de la mort. Adario, regardant de travers le sauvage, « Il te convient bien, misérable guerrier, de t'exprimer de la sorte sur le plus grand des sachems et sur l'ami d'Adario. Ôte-toi de devant mes yeux, si tu ne veux que je punisse tes paroles insensées. » Ces deux vieillards étaient le désespoir d'Ondouré. Chactas ne connaissait point les desseins du scélérat, il les aurait renversés s'il les eût connus. Adario méprisait le tuteur du soleil. Il l'aurait poignardé s'il avait pu croire que par le massacre des Blancs, il aspirait à la tyrannie. Les sachems s'empressèrent de tenir le conseil dans la cabane de Shaktas. Adario s'y rendit le premier. Outougamiz était allé trouver sa sœur. Assise à ses foyers solitaires et descendue dans son propre cœur, Tchelouta y avait remué, pour ainsi dire, tous ses chagrins. Elle les en avait tirés l'un après l'autre. Sa fille, Mila, Outougamiz, René, s'étaient tour à tour présentées à ses craintes et à ses regrets. Elle n'avait oublié de pleurer que sur elle. Les grandes douleurs abrègent le temps comme les grandes joies, et les larmes qui coulent avec abondance emportent rapidement les heures dans leur cours. Tchelouta ignorait l'interruption des jeux, le retour de son frère et l'arrivée de Shaktas. Outougamiz se précipite dans la cabane et s'écrie « Me voici, le voilà, Shaktas, Shaktas lui-même, je l'ai trouvé au lieu de René, il est arrivé, nous serons tous sauvés. Ah, si Mila n'était pas morte, elle s'est trop pressée. Allons, prends ton manteau et ta fille, allons vite voir Shaktas. Il est peut-être mort à présent, mais nous n'en sommes pas moins sauvés. » À ces paroles inintelligibles pour tout autre que pour Tchelouta, l'Indienne éleva son cœur vers le grand esprit et se hâta de chercher son manteau. Outougamiz lui ordonnait d'aller vite, prétendait l'aider et ne faisait que retarder ses apprêts. Quand le frère et la sœur sortirent de la cabane, la nuit atteignait le milieu de son cours. Dans ce moment même, les trois vieilles femmes attachées au culte d'Atahensic entraient dans le temple et, en présence du chef des prêtres, brûlaient un des roseaux de la gerbe. On aurait dit des parcs coupant le premier fil de la vie de René. Outougamiz et Tchelouta arrivèrent à la cabane de Shaktas. Le conseil n'était pas fini et les aloès placés alentour les empêchèrent d'approcher. On n'a jamais su ce qui se passa dans ce conseil, assemblé au bord du lit funèbre de Shaktas et présidé par la vertu mourante. Les gardes les plus voisins de la porte saisirent seulement quelques mots lorsque les voix s'élevaient au milieu d'une discussion animée. Une fois, Shaktas répondit à Adario « Je crois aimer la patrie autant que toi, mais je l'aime moins que la vertu. » Quelque temps après, il dit « J'ignore ce que vous prétendez, mais quiconque est obligé de cacher ses actions ne fait rien d'agréable au grand esprit. » On entendit ensuite la femme chef discourir d'un ton passionné sans pouvoir recueillir ses paroles. Shaktas dit après elle, « Vous le voyez, cette femme est en proie au remords. Elle ne dit pas tout, mais sa conscience lui pèse. Pourquoi son complice, l'infâme Ondouré, n'est-il pas ici ?» Sur une observation qu'on lui faisait sans doute, Shaktas repartit, « Je le sais, les jeunes guerriers doivent préférer les conseils d'Adario aux miens. La jeunesse aime les brasiers qui se font sentir à une grande distance et qui la forcent à reculer. Elle dédaigne ces feux mourants dont il se faut approcher pour recueillir une chaleur prête à s'éteindre. » Adario répliqua quelque chose. « Mon vieil ami, répondit Shaktas, nous avons parcouru ensemble un long chemin. Je vous aime et vais vous attendre. Ne calomniez pas René, pardonnez-lui l'excès dans le bien, et ni vous ni moi ne vaudrons mieux que lui. » Ici le trouble parut régner dans le conseil. Les sachems parlaient ensemble, la voix de Shaktas ramena le silence. Il disait « Qu'entends-je ? Il y a eu une assemblée générale des Natchez au rocher du lac. Mila s'est précipitée dans le fleuve. René est absent et on l'accuse sans l'entendre. Tchelouta est plongée dans la douleur. Outougamiz paraît insensé. Akansi se repent. Les jeux proclamés semblent cacher quelques résolutions funestes. On m'a éloigné et mon retour jette de la confusion parmi vous. Grand esprit, tu me rappelles à toi avant que j'aie pu pénétrer ces mystères. Que ta volonté soit faite. Prends dans ta main puissante ce qui échappe à ma faible main. Adieu, chère patrie. Je dois à mon âme le dernier moment qui me reste. Ici finissent entre moi et les hommes les scènes de la vie. Sachem, vous me donnez mon congé en me cachant vos secrets. Je vais apprendre ceux de l'éternité. » Après ces paroles, on n'entendit plus rien. Les sachems sortirent bientôt en silence, les yeux baissés et chargés de pleurs. Ainsi de vieux chênes laissent tomber de leurs feuilles flétries les gouttes de rosée qui déposa une belle nuit. L'aube blanchissait l'horizon et la femme chef envoya chercher le tuteur du soleil. Outougamiz et Tchelouta entrèrent alors dans la cabane de Shaktas. Le vieillard éprouvait dans ce moment une défaillance. Il avait prié, avant son évanouissement, qu'on le portât au pied d'un arbre et qu'on lui tournât le visage vers l'Orient pour mourir. Quand il reprit ses sens, il reconnut à la voix Outugamis et Tchelouta, mais il ne leur put parler. Adario n'était point sorti de la cabane avec les autres sachem. Il y était resté afin de faire exécuter la dernière volonté de son ami. Chactas fut porté sous un tulipier planté au sommet d'un tertre d'où l'on découvrait le fleuve et tout le désert. L'aurore entr'ouvrait le ciel. À mesure que la terre accomplissait sa révolution d'Occident en Orient, il sortait de dessous l'horizon des zones de pourpre et de rose, magnifiques rubans déroulés de leurs cylindres. Du fond des bois s'élevaient les vapeurs matinales. Elles se changeaient en fumée d'or en atteignant les régions éclairées par la lumière du jour. Les oiseaux moqueurs chantaient. Les colibris voltigeaient sur la tige des anémones sauvages, tandis que les cigognes montaient au haut des airs pour découvrir le soleil. Les cabanes des Indiens, dispersées sur les collines et dans les vallées, se peignaient des rayons du levant jusqu'au bocage de la mort. Tout riait dans la solitude. Outugamis et Tchelouta se tenaient à genoux, à quelque distance de l'arbre sous lequel le sachem rendait le dernier soupir. Un peu plus loin, Adario, debout, les bras croisés, le vêtement déchiré, le poil hérissé, regardait mourir son ami. Chactas s'était assis et appuyé contre le tronc du tulipier. La brise jouait dans sa chevelure blanchie et le reflet des roses de l'aurore colorait son front pâlissant. Faisant un dernier effort, le sachem tira de son sein un crucifix que lui avait donné Fénelon. « Atala, dit-il d'une voix ranimée, que je meure dans ta religion, que j'accomplisse ma promesse au père Aubry. Je n'ai point été purifié par l'eau sainte, mais je demande au ciel le baptême de désir. Vertueux chef de la prière, qui remis dans mes mains ce signe de mon salut, viens me chercher aux portes du ciel. Je donnerai peu de peine à la mort, une partie de son ouvrage est déjà faite. Elle n'aura point à clore mes paupières comme celles des autres hommes. Je vais au contraire ouvrir à la clarté divine des yeux fermés depuis longtemps à la lumière terrestre. » Chactas exhala la vertu avec son dernier soupir. L'arbre parfumé des forêts américaines embaume l'air quand le temps ou l'orage l'ont renversé sur son sol natal. Outugamis et Tchelouta, ayant vu le sachem s'affaisser, se levèrent, s'approchèrent du tulipier et embrassèrent les pieds déjà glacés du vieillard. Ils perdaient en lui leur dernière espérance. Adario s'éloigna sans prononcer un mot, comme le voyageur qui va bientôt rejoindre son compagnon, parti quelques heures avant lui. Les sauvages étaient déjà rassemblés dans la vallée des bois pour recommencer la partie de bal, lorsque la nouvelle du trépas de Chactas se répandit parmi la foule. On disait de toutes parts, la gloire des Natchez est éteinte. Chactas, le grand sachem, n'est plus. Les jeux furent interrompus de nouveau. La douleur était universelle. Quelques tribus indiennes, frappés de ce deuil qui venait se mêler à des fêtes, commencèrent à craindre la colère du ciel. Elles plièrent leurs tentes de peau et reprirent le chemin de leur pays. Tout menaçait de ruine encore une fois les desseins d'Andouré. Ses messagers secrets avaient perdu les traces du frère d'Amélie. Le conseil rassemblé autour de Chactas avait montré de l'hésitation. La femme chef, qui s'était presque dénoncée, ne voulait plus qu'une entrevue avec son complice pour céder ou pour résister aux remords. Au fort Rosalie, Shepard, malgré son aveuglement, ne se pouvait empêcher de réfléchir sur les avis que lui transmettait chaque jour le père Souël, le gouverneur général de la Louisiane, et même le capitaine d'Artaguette, avis que paraissait confirmer la désertion d'un grand nombre de nègres réfugiés dans les bois. Le ciel semblait enfin se déclarer pour l'innocence. Les plus vieux parents de Chactas vinrent enlever son corps. La cérémonie funèbre fut fixée au lendemain à la troisième heure du jour. Tchelouta, comme femme du fils adoptif de Chactas, Outugamis, comme frère de ce fils absent, furent prévenus qu'il serait chargé des fonctions d'usage. Ils reçurent l'ordre de s'y préparer. Tchelouta passa sa solitaire journée à déplorer dans sa cabane la nouvelle perte qu'elle venait de faire. Ce retour continuel à un foyer désert où elle ne trouvait personne pour la consoler remplissait son imagination de terreur et son âme de tristesse. Où étaient René, Mila, Chactas, ses parents, ses amis, qui la soutenaient autrefois? Adario n'habitait plus que les lieux sauvages. Outugamis, chargé de sa propre douleur, jouissait à peine de sa raison. Dans la foule, aucun signe de pitié et de bienveillance. Partout, des visages ennemis ou des sentiments pires que la haine. René, cependant, ne paraissait point, bien que son retour fût annoncé. Et dans cette absence prolongée, Tchelouta entrevoyait une lueur d'espérance. Le malheur est religieux. La solitude appelle la prière. Tchelouta pria, donc. Tantôt, elle demandait des conseils au grand esprit des Indiens. Tantôt, elle s'adressait au grand esprit des Blancs. Elle présentait à celui-ci l'innocente Amélie, que l'eau du baptême avait rendue chrétienne, et qui pouvait invoquer mieux que sa mère le dieu de René. Une idée frappe tout à coup Tchelouta. Elle se lève, elle s'écrie « Manitou, protecteur de René, est-ce toi qui m'inspire ?» Tchelouta s'efforce de calmer sa première émotion afin de mieux réfléchir à son dessein. Plus elle l'examine, plus elle le trouve propice. Elle n'attend plus que la nuit pour l'exécuter. Les ombres régnaient sur la terre, la lune n'était point dans le ciel. On distinguait seulement les grandes masses des bois et des rochers qui se dessinaient sur le fond bleu du firmament comme des découpes noires. Tchelouta sort de sa cabane avec une petite lumière enfoncée dans un nœud de roseau. Elle portait en outre des cordons de lin sauvage et un rouleau d'étoffe de mûrier. Plus légère qu'une ombre, elle vole à la caverne des reliques. Elle y descend sans crainte. Elle se pare des débris de la mort qu'elle attache autour d'elle et sur son front. Comme une jeune fille ornerait sa tête et son sein pour plaire dans l'éclat d'une fête, elle s'enveloppe ensuite du long voile de mûrier blanc, et sous ce voile, elle cache sa lampe de roseau. Quittant l'asile funèbre, elle traverse les campagnes que couvrait un brouillard. Elle dirigeait ses pas vers le temple d'Atahensic pour dérober la gerbe fatale. « Si j'enlève la gerbe, s'était-elle dit, les conjurés aux Natchez ne sauront plus à quoi se résoudre. Ils se croiront découverts, ils se diviseront. Les uns voudront hâter l'exécution du complot, les autres l'abandonner. Il faudra envoyer des messagers aux nations qui doivent de leur côté exécuter le massacre, afin de les prévenir de l'accident arrivé aux Natchez. Quelques rumeurs confuses parviendront aux oreilles des Français. Il est impossible que le projet n'avorte pas au milieu de cette confusion. Tchelouta, tu épargneras ainsi un crime à ta patrie. Ou, si le meurtre général a lieu, René arrivera quand le coup sera porté. Tu auras sauvé ton mari sans avoir révélé le secret, sans avoir menti à la promesse que tu as faite à Adario. » Le temple d'Atahensic était bâti au milieu d'une cyprière qui lui servait de bois sacré. Les révélations de Mila avaient appris à Tchelouta que la gerbe de roseau était déposée sous l'autel. Dans l'intérieur du temple, un jongleur, remplacé de 2 heures en 2 heures par un autre jongleur, veillait au trésor de la vengeance. Au dehors, une garde d'Aloès avait ordre de tuer quiconque s'approcherait du fatal édifice. Que ne peut l'amour dans le cœur d'une femme, même lorsqu'elle n'est pas aimée? C'était cet amour qui avait inspiré à l'épouse de René l'idée d'emprunter la forme d'un fantôme. Intrépides sur le champ de bataille, les sauvages prennent dans le silence ou le bruit de leur forêt la croyance et la frayeur des apparitions. Leurs prêtres même, par une justice divine, éprouvent les terreurs superstitieuses qu'ils emploient pour tromper les hommes. Arrivé à la cyprière, Tchelouta, se glissant d'arbre en arbre, se trouve bientôt à quelques pas du temple. Elle entr'ouvre son voile blanc et laisse voir la figure de la mort à l'aide de la petite lampe. Le froissement du linceul qui traînait sur les feuilles parvient à l'oreille des Aloès. Ils tournent les yeux du côté du bruit et aperçoivent le spectre. Les armes échappent à leurs mains, les uns fuient, les autres, sentant défaillir leurs genoux, ont à peine assez de force pour se traîner dans les buissons voisins. Tchelouta marche au temple, ouvre une des portes, se place sur le seuil. Le prêtre gardien était assis à terre. L'apparition le frappe tout à coup, ses prunelles se dilatent, sa bouche s'entr'ouvre, sa peau frémit. L'Indienne franchit le seuil. Elle s'avance à pas mesurés, s'arrête, s'avance encore et étend la main d'un squelette sur la tête du jongleur. Celui-ci veut crier et ne peut trouver de voix. Une sueur froide inonde son corps. Ses dents claquent dans le frisson de la peur. Tchelouta achève sa victoire, touche d'une main glacée le front du prêtre. La victime tombe évanouie. La fille de Tabamika est à l'autel. Elle en cherche de toutes parts l'ouverture. 20 fois, elle fait le tour de la pierre sans rien découvrir. Elle essaye de soulever la table sacrée, se baisse, se relève, porte la lampe à tous les points du tabernacle, renverse l'idole. Le dépôt mystérieux échappe à ses perquisitions. Le temps presse. Les gardes et le jongleur peuvent revenir de leur épouvante. La sœur d'Outougamis croit entendre des pas et des voix au dehors. Elle adresse des prières à l'amour et à la patrie. Elle promet des dons, des offrandes. S'il faut du sang pour celui qu'elle veut épargner, elle offre le sien. Les yeux obscurcis par les larmes du désespoir, l'Indienne tantôt regarde vers la porte du temple, tantôt examine de nouveau l'autel. N'a-t-elle pas senti fléchir une des marches de cet autel ? Son cœur bat, elle s'agenouille, presse le cèdre obéissant, l'ébranle. La planche fuit horizontalement sous sa main. Joie et terreur, espérance et crainte. Tchelouta plonge son bras nu dans l'ouverture et touche du bout des doigts la gerbe des roseaux. Mais comment la retirer ? L'ouverture n'est pas assez large et la planche arrêtée refuse de s'écarter. Il ne reste qu'un seul moyen, c'est de saisir les roseaux un à un. Trois fois, Tchelouta plonge son bras dans l'ouverture. Trois fois, elle ramène quelques roseaux, comme si elle arrachait les jours de René à la destinée. Mais elle ne peut tout enlever. Les roseaux du dessous de la gerbe sont hors de la portée de sa main. La pieuse sacrilège se détermine à fuir avec son larcin. Elle avait retiré 8 roseaux. Il n'en restait plus que 3 dans l'habitacle, le 12e ayant déjà été brûlé. Elle sort du temple au moment même où le prêtre revenait de son évanouissement. Bientôt, enfoncée dans l'endroit le plus épais de la cyprière, elle détache son effroyable parure, roule son voile, rend les ossements à la terre, leur demandant pardon d'avoir troublé leur repos éternel. « Dépouille sacrée, leur dit-elle, vous apparteniez peut-être à un infortuné, et vous avez secouru l'infortune. » Son succès n'était pas complet, mais du moins Tchelouta croyait avoir augmenté les chances de salut pour René. Si le massacre était avancé de 8 jours, c'était 8 jours à retrancher du nombre de ceux qui menaçaient la vie du frère d'Amélie. Il n'y avait plus que 3 jours de péril. Qui sait si l'absence de l'homme menacé ne se prolongerait pas au-delà d'un terme désormais si court. Tchelouta, rentrée dans sa cabane, jette aux flammes les roseaux, s'approche de sa fille endormie sur un lit de mousse, la regarde à la lumière de cette même lampe qui avait servi à éclairer les ossements des morts. L'enfant s'éveille et sourit à sa mère. La mère se penche sur l'enfant, le couvre de baisers. Elle prenait le sourire de l'innocence pour une approbation de l'enlèvement des roseaux. Tchelouta n'avait d'autre conseil que cette petite Amélie qui, en venant au monde, n'avait pas réjoui le cœur paternel, que cette Amélie dont René voulait rester à jamais inconnue. C'était sur un berceau délaissé qu'une femme abandonnée consultait le ciel pour un époux malheureux et interrogeait l'avenir. Outougamis se fait entendre et paraît sur le seuil de la cabane. Il avait passé le jour précédent et une grande partie de la nuit à explorer les chemins par où son ami pouvait revenir. Rien ne s'était présenté à sa vue. Il remarqua quelque chose de plus animé dans les regards de sa sœur. « Tu prends courage, lui dit-il, pour assister aux funérailles de notre père. Dépêchons-nous, il est temps de partir. » Tchelouta ne crut pas devoir révéler à Outougamis le larcin qu'elle venait de commettre, ni embarrasser son frère d'un nouveau secret. Elle se hâta de prendre ses habits de deuil. En se rendant de bonne heure au lit funèbre de Chactas, elle espérait éloigner encore les soupçons qui pourraient planer sur elle lorsque la disparition des roseaux serait connue. Quand le frère et la sœur arrivèrent à la cabane de Chactas, le jour naissait. Les parents allument un grand feu. On purifie la hutte avec l'eau lustrale. On revêt le corps du sachem d'une superbe tunique et d'un manteau qui n'avait jamais été porté. Dans la chevelure blanche du vieillard, on place une couronne de plumes cramoisies. Tchelouta et Outougamis furent chargés de peindre les traits du décédé. Quel triste devoir ! Ils se mirent à genoux des deux côtés du corps étendu sur une natte. Lorsque les deux orphelins vinrent à se pencher sur le visage de leur père, leurs têtes charmantes se touchèrent et formèrent une voûte au-dessus du front de Chactas. Un sachem, maître de la cérémonie funèbre, donnait les couleurs et en expliquait les allégories. Le rouge, étendu sur les joues, devaient être de différentes nuances, selon les morts. L'amour ne se colore pas du même vermillon que la pudeur, et le crime rougit autrement que la vertu. L'azur appliqué aux veines est la couleur du dernier sommeil. C'est aussi celle de la sérénité. Les pleurs de Tchelouta effaçaient son ouvrage. Il fallut finir par le terrible baiser d'adieu. Les lèvres de l'amitié et de l'amour vinrent toucher ensemble celles de la mort. Cela étant fait, des matrones donnèrent au vieillard l'attitude que l'enfant a dans le sein de sa mère, ce qui voulait dire que la mort nous rend à la terre, notre première mère, et qu'elle nous enfante en même temps à une autre vie. Déjà, la foule s'assemblait. Les congrégations des prêtres, des sachems, des guerriers, des matrones, des jeunes filles, des enfants arrivaient tour à tour et prenaient leur rang. Les sachems avaient tous un bâton blanc à la main. Leur tête était nue et leurs cheveux négligés. Adario menait ses vieillards. Les Français et le commandant du fort se joignirent à la pompe funèbre comme ils s'étaient mêlés au jeu. Le cortège, attendant la marche, formait un vaste demi-cercle à la porte de la cabane. Alors, on enleva les écorces de cette cabane, du côté qui touchait au cortège, et l'on aperçut Chactas assis sur un lit de parade. Derrière lui était couché en travers son cercueil, fait de bois de cèdre et de petits ossements entrelacés. Debout, derrière cette redoutable barrière, se tenait un sachem représentant Chactas lui-même et qui devait répondre aux harangues qu'on lui allait adresser. Les deux chiens favoris du mort étaient enchaînés à ses pieds. On ne les avait point égorgés selon l'usage parce que le sachem abhorrait le sang. D'ailleurs, il n'aurait aucun besoin de ces dogues pour chasser dans le pays des âmes, car il y serait employé, disait la foule, à gouverner les ombres. Le calumet de paix du vieillard reposait pareillement à ses pieds. À sa gauche, on voyait ses armes, honneur de sa jeunesse. À sa droite, le bâton sur lequel il appuyait ses vieux ans. Comme on n'est plus touché des vertus du sage que de celles du héros, la vue de ce simple bâton portait l'attendrissement dans tous les cœurs. Adario commença les discours au nom des sachems. Il s'avança à pas lents dans le cercle des spectateurs. Les bras croisés et le visage tourné vers son ami, il lui dit « Frère, vous aimâtes la patrie. Frère, vous combattîtes pour elle. Frère, vous l'enseignâtes de votre sagesse. Dire ce que vous avez fait est inutile. Ennemi de l'oppresseur, vengeur de l'opprimé, tout en vous était indépendance. Votre pied était celui du chevreuil qui ne connaît point de barrière, dont il ne puisse franchir la hauteur. Votre bras était un rameau de chêne qui se raidit au coup de la tempête. Votre voix était la voix du torrent que rien ne peut forcer au silence. Ceux qui ont habité votre cœur savent qu'il était trop grand pour être resserré dans la petite main de la servitude. Quant à votre âme, c'était un souffle de liberté. » Le sachem représentant Chactas répondit de derrière le cercueil « Frère, je vous remercie. Je fus libre et le suis encore. Si mon corps vous semble enchaîné, vos yeux vous trompent. Il est sans mouvement, mais on ne le peut faire souffrir. Il est donc libre. Quant à mon âme, je garde le secret. Adieu, frère. » Vous n'avez point parlé de votre amitié mutuelle, s'écria Outougamise en se levant, à la grande surprise des spectateurs. Adario et le sachem représentant Chactas se regardèrent sans répliquer une parole. Le tuteur du soleil s'avança pour prononcer un discours au nom des jeunes guerriers, mais un des bras de Chactas plié de force s'échappa comme pour repousser Ondouré. Une voix s'élève. Il est désagréable aux morts qu'ils s'éloignent. Tchelouta, fille adoptive de Chactas, fut chargée de rattacher le bras du vieillard. Dans sa tunique noire et sa beauté religieuse, on l'eût prise pour une de ces femmes qui se consacrent en Europe aux œuvres les plus pénibles de la charité. Tchelouta, s'adressant aux morts, lui dit « Mon père, êtes-vous bien ?»« Oui, ma fille, » répliqua le sachem interprète. « Si dans le tombeau je me retourne pour me délasser, ma main s'étendra sur toi. » Le représentant de Chactas répondit au discours des mères, des veuves, des jeunes filles et des enfants. Ces harangues extraordinaires finies, les parents poussèrent trois cris. Trois sons des congues funèbres annoncèrent la levée du corps. et 8 sachem les plus âgés, au nombre desquels était Adario, s'avancèrent en exécutant la marche de la mort pour emporter chaque tasse. Ils imitaient le bûcheron, le moissonneur, le chasseur qui coupe l'arbre, rompt l'épi, perce l'oiseau. Adario dit à Chactas, « Frère, voulez-vous vous coucher ?» Le truchement de la tombe répondit, « Frère, j'ai besoin de sommeil. » Alors, 4 des 8 sachems de la mort formèrent en s'agenouillant un carré étroit. Les autres sachems prennent le lit où reposait le défunt, le posent sur les 4 épaules des sachems à genoux. Ceux-ci se relèvent et montrent à la foule ce qui n'était plus qu'une idole pour la patrie. Les 4 vieillards, libres, appuyaient de leurs bâtons, comme avec des arcs-boutants, le lit de Chactas. Le cercueil traîné sur des roues suivait son maître comme le char vide du triomphateur. On marche au bocage de la mort. La tombe avait été marquée près du ruisseau de la paix. La fosse était large et profonde. Les parois en étaient tapissées des plus belles pelleteries. Les 8 sachems de la mort déposèrent leurs frères dans le cercueil que l'on planta debout à la tête de la fosse ouverte. Le vieillard ainsi placé ressemblait à une statue dans un tabernacle. Les jeux funèbres commencèrent le long d'une vallée verte qui se prolonge à travers les bocages. Ces jeux s'ouvrirent par la lutte des jeunes filles. La course des guerriers suivit la lutte et le combat de l'arc, la course. À un poteau peint de diverses couleurs était attaché par un pied, au bout d'une longue corde, un écureuil, symbole de la vie chez les sauvages. L'animal agile tournait autour du poteau, descendait, remontait, descendait encore, sautait, courait sur le gazon, puis regagnait le haut du poteau, où il se tenait planté sur les pieds de derrière, en se couvrant de sa queue de soie. C'était le but que la flèche devait atteindre, et dont la mobilité fatiguait les regards. Un arc de bois de cyprès était le prix désigné au vainqueur. Ce prix, ainsi que celui de la course, fut remporté par Outougamiz, qui disait à Tchelouta, « À qui l'offrirai-je ? Mila est morte, René est absent, et je dois tuer mon ami s'il revient. » Tandis qu'on était occupé de ces jeux, on vit arriver le grand prêtre, l'air effaré, le vêtement en désordre, cherchant et demandant partout le tuteur du soleil. On le lui montra dans la foule, il courut à lui, l'entraîna au fond d'un des bocages, d'où il sortit avec lui quelque temps après. Andouré paraissait ému. On le vit se pencher à l'oreille d'Adario et parler à plusieurs autres sachem. Le jongleur déclara qu'il avait vu des signes dans le ciel, que les augures n'étaient pas favorables, qu'il fallait abréger la cérémonie. On se hâta de faire aux trépassés les présents d'usage. Chactas fut descendu dans son dernier asile, et tandis qu'on élevait le mont du tombeau, le jongleur entonnait l'hymne à la mort. Le grand prêtre, est-ce un fantôme que j'aperçois ou n'est-ce rien ? C'est un fantôme. À moitié sorti d'une tombe fermée, il s'élève de la pierre sépulcrale, comme une vapeur. Ses yeux sont le vide, sa bouche est sans langue et sans lèvres. Il est muet et pourtant il parle. Il respire et il n'a point d'haleine. Quand il aime, au lieu de donner l'être, il donne le néant. Son cœur ne bat point. Fantôme, laisse-moi vivre. Une jeune fille, ma sœur, vois-tu ce petit ruisseau qui se perd tout à coup dans le sable, comme il est charmant le long de ses rivages semés de fleurs, mais comme il disparaît vite. Entre son berceau, caché sous les aunes, et son tombeau sous l'érable, on compte à peine 16 pas. Cœur des jeunes filles. Nous avons vu la jeune Andoïa. Ses lèvres étaient pâles, ses yeux ressemblaient à 2 gouttes de rosée troublées par le vent sur une feuille d'azaléa. Nous la vîmes entr'ouvrir un peu la bouche et rester la tête penchée. Nos mères nous dirent que c'était là mourir, qu'une seule nuit avait ainsi fané la jeune fille. Mère, est-ce qu'il est doux de mourir ? Les jeunes guerriers. Qu'il est insensé celui qui s'écrie « Sauvez-moi de la mort !» Il devrait plutôt dire « Sauvez-moi de la vie !» Ô mort, que tu es belle au milieu des combats, que tu nous paraissais éloquente lorsque tu nous parlais de la patrie en nous montrant la gloire. Les enfants, il nous faut un berceau de 3 pieds. Notre tombeau n'est pas plus long. Notre mère nous suffit pour nous porter dans ses bras au bocage de la mort. Nous tomberons de son sein sur le gazon de la tombe, comme une larme du matin tombe de la tige d'un lys parmi l'herbe où elle se perd. Les sachems. La mort est un bien pour les sages. Lui plaire est leur unique étude. Ils passent toute leur vie à en contempler les charmes. Cet infortuné se roule sur sa couche. Ses yeux sont ardents. Jamais ses paupières ne les recouvrent. Son cœur est plein de soupirs. Mais tout à coup, les soupirs de son cœur s'exhalent. Ses yeux se ferment doucement. Il s'allonge sur sa couche. Qu'est-il arrivé? La mort, infortuné. Où sont tes douleurs? Cœur des prêtres. La vie est un torrent. Ce torrent laisse après lui, en s'écoulant, une ravine plus ou moins profonde que le temps finit par effacer. L'hymne de la mort était à peine achevé que la foule se dispersa. Les paroles du grand prêtre, au milieu de la pompe funèbre, faisaient le sujet de tous les entretiens et l'objet de toutes les inquiétudes. Mais déjà les sachems et les chefs des jeunes gens qui connaissaient le secret étaient convoqués au rocher du conseil. Le jongleur leur raconte l'apparition du fantôme et la soustraction d'une partie des épis de la gerbe. Les conjurés pâlissent. Outugami se lève, il s'écrie « Vous le voyez, sachem, jamais complot plus impie ne fut formé par des hommes. Le grand esprit le désapprouve. Il rappelle de la mort un de nos ancêtres pour enlever les roseaux sanglants. Le ciel a parlé. Abandonnons un projet funeste. Quoi ? Ce sont ces hommes que vous avez invités à vos fêtes, qui aujourd'hui même ont rendu les derniers honneurs à chaque tasse? Ce sont ces hommes que vous prétendez égorger? Ils avaient partagé vos plaisirs et vos douleurs. Leurs rires et leurs larmes étaient sincères, et vous leur répondiez par de faux sourires et des larmes feintes. Sachem, Outugamis ne sait point savourer le meurtre et le crime. Il n'est point un vieillard, il n'est point un oracle. Mais il vous annonce, par la voix de ce Manitou d'or qu'il porte sur son cœur, qu'un pareil forfait, s'il est exécuté, amènera l'extermination des Natchez et la ruine de la patrie. » Ce discours étonna le conseil. On ne savait où Outugamis le simple avait trouvé de telles paroles. Mais, à l'exception de deux ou trois sachems, tous les autres repoussèrent l'opinion généreuse du jeune guerrier. Adario donna des louanges aux sentiments de son neveu, mais il s'éleva avec force contre les étrangers. « Cessons, s'écria-t-il, de nous apitoyer sur le sort des Blancs. À entendre Outugamis, ne dirait-on pas que notre pays est libre, que nous cultivons en peine aux champs? Qu'est-il donc arrivé? Quel heureux soleil a tout à coup brillé sur nos destinées? J'en appelle à tous les guerriers ici présents. Ne sommes-nous pas dépouillés et plus opprimés que jamais? Il suffirait donc que ces étrangers qui ont tué mon fils, qui ont massacré la vieille compagne de mes jours, qui ont réduit ma fille au dernier degré de misère. Il suffirait que ces étrangers vinssent se promener au milieu de nos fêtes pour qu'Adario oubliât ce qu'il a perdu, pour qu'il renonçât à une vengeance légitime, pour qu'il consentît à la servitude de sa patrie, pour qu'il trompât tant de nations associées à notre cause et dont l'indépendance a été confiée à nos mains. Puisse la terre dévorer les Natchez avant qu'ils se rendent coupables d'une telle lâcheté, d'un aussi abominable parjure. » Adario fut interrompu par les acclamations les plus vives et par le cri répété de mort aux Blancs. Aussitôt que le vieillard se put faire entendre de nouveau, il reprit la parole. « Sachem, abandonner l'entreprise est impossible. Mais exécuterons-nous notre dessein le jour où le dernier des trois roseaux qui restent sera brûlé? Attendrons-nous le jour qui avait été marqué avant l'enlèvement des huit roseaux? Sachem, prononcez. » Une violente agitation se manifesta dans l'assemblée. Les uns demandaient que le massacre eût lieu aussitôt que les roseaux restants seraient brûlés. Ils prétendaient que telle était la volonté des génies, puisqu'ils avaient permis qu'une partie de la gerbe fût ravie sur l'autel. Les autres insistaient pour qu'on ne frappât le grand coup qu'à l'expiration du terme primitivement fixé. « Quelle folie ! S'écriait le chef des Chicassos, d'entreprendre la destruction de vos ennemis avant que toutes les chairs rouges soient arrivées. Il nous manque encore cinq tribus des plus puissantes. D'ailleurs, ne ferons-nous pas avorter le dessein général en commençant trop tôt? Si le plan est exécuté ici 8 jours, avant qu'il le soit ailleurs, n'est-il pas certain que les autres colonies de nos oppresseurs échapperont à la vengeance commune, et que, bientôt réunies, elles viendront nous exterminer? Pour attaquer nos ennemis dans 3 jours, il faudrait pouvoir prévenir de cette nouvelle résolution les divers peuples conjurés. Or, 3 jours suffisent-ils au plus rapide messager pour se rendre chez tous les peuples ? Ondouré appuya l'opinion des Chicassos. René n'était pas arrivé. Le serait-il dans 3 jours ? Et si l'on précipitait le massacre, ne pourrait-il pas échapper ? Le tuteur du soleil rejeta avec mépris l'idée que le grand esprit avait envoyé un mort dérober les roseaux du temple. Il accusa de lâcheté les gardiens et déclara que bientôt il connaîtrait le prétendu fantôme. Fin de la section 19.